24e chapitre. La légende de Taliesin, synthèse et mission du génie celtique. La légende de Merlin l'Enchanteur ressemble à un miroir magique où le génie celtique aurait invoqué l'image de son âme et de sa destinée. Arthur, le héros poussé par le barde inspiré, incarne la longue, l'héroïque lutte des Celtes contre l'étranger. Cette race, dit Michelet, résista 200 ans par les armes et 1000 ans par l'espérance. Vaincue, elle impose son idéal à ses vainqueurs. Arthur devint pour tout le Moyen-Âge le type du parfait chevalier. Revanche à laquelle les Bretons n'avaient pas pensé, mais non moins glorieuse et féconde. Quant à Merlin, il personnifie le génie poétique et prophétique de la race. Et s'il est resté incompris du Moyen-Âge aussi bien que des temps modernes, c'est d'abord parce que la portée du prophète dépasse de beaucoup celle du héros. C'est ensuite parce que la légende de Merlin et le bardisme tout entier confinent à un ordre de fait psychique où l'esprit moderne ne commence à pénétrer qu'aujourd'hui. Sous la résistance obstinée, fanatique, farouche des chefs cimériques et gallois du VIe siècle, comme Owen et Urien et de leurs bardes, comme Anurin, Taliesin et Livarch le Vieux, il n'y avait plus que le sentiment national et qu'une haine de race. Il y avait, avec les défauts des Celtes, leur manque de sens politique et pratique, le sentiment d'une certaine supériorité morale et intellectuelle. Oui, sous l'indomptable espérance, il y avait une indestructible vérité. Elle pouvait se tromper sur les moyens, mais non sur le but. Il y avait la conscience intuitive, occulte mais sûre, de l'âme celtique, se sachant obscurément dépositaire d'un legs sacré, d'une mission religieuse et sociale. Les anciens druides furent possesseurs d'une doctrine secrète dont la largeur et l'élévation peut se comparer à celle de Pythagore. Comme les prêtres védiques, ils révéraient tous le symbole du feu, le Dieu unique et l'âme immortelle voyageuse du ciel à la terre et de la terre au ciel. Leur doctrine des trois mondes, avec la loi d'hiérarchie qui régit les âmes, avait l'avantage de réconcilier la matière et l'esprit dans le verbe vivant de la nature et de l'homme. Cette philosophie intuitive n'excluait pas les autres religions, mais les synthétisait. De là le respect singulier de quelques philosophes grecs et latins pour les druides. Décimés et persécutés par Rome, les druides léguèrent une partie de leurs traditions aux bardes. Lorsque le christianisme se présenta à ceux-ci avec la largeur humaine et la charité compréhensive de saint Patrice et de ses disciples immédiats, ils comprirent et adoptèrent d'enthousiasme le verbe du Christ. Bientôt, cependant, les bardes se montrèrent rebelles à l'Église romaine, non seulement parce qu'elle leur était prêchée par des moines latins, francs et anglo-saxons, mais encore parce qu'elle portait en elle un principe d'étroitesse religieuse et de domination politique qui les révoltait. Tout, dans la nature celtique, s'insurgeait primitivement contre la férule cléricale, sa tendresse pour la nature vivante condamnée comme perverse par l'Église, sa passion pour la liberté, son besoin de comprendre par la raison, enfin son mysticisme même, j'entends cette intuition directe des choses de l'âme qui demande une révélation personnelle et n'accepte pas la foi d'autorité. Héritiers des druides, les bardes se sentaient les représentants d'une religion plus large et plus libre que celle des moines. Merlin resta pour eux l'incarnation de leur propre esprit, à la fois amoureux de nature et de merveilleux. D'une part, il aspire par les fibres éthérées de son âme à sa sœur invisible, à son mystérieux génie, à sa muse qui lui parle d'un monde supérieur et divin. De l'autre, une puissance magnétique l'attire vers la dangereuse magicienne, vers la belle fée Viviane. Il est travaillé par le désir de l'âme celtique, la nostalgie de la nature et de la femme dans la prison du dogme et du couvent. Posséder Radiance et Viviane, ne sera-ce pas aussi le désir de l'âme moderne, ballottée entre le ciel et la terre? Mais quand le don prophétique meurt chez les bardes, quand s'éteint la flamme sacrée de leur poésie, alors le génie celtique oublie ses visions divines, comme Merlin oublie Radiance sur les genoux de Viviane. Il se laisse aller sur le sein de la grande enchanteresse, la nature, et s'endort du sommeil profond de l'inconscience. Dort-il pour toujours? Faut-il dire de lui ce que Monsieur Renan a dit de la race entière? Hélas, elle est aussi condamnée à disparaître, cette émeraude des mers du couchant. Arthur ne reviendra pas de son île enchantée, et saint Patrice avait raison de dire à Ossiane, « Les héros que tu pleures sont morts, peuvent-ils renaître? Est-ce bien vrai? L'heureux Prospero a-t-il le droit de se consoler si facilement de la mort d'Ariel? Radiance ne redescendra-t-elle jamais sur le barde endormi du fond de l'insondable azur? Et l'ange de l'inspiration a-t-il replié pour toujours ses ailes sur le silence de la harpe d'argent? Toutes les résurrections partent du grand mystère de l'âme, de sa puissance d'aimer, de croire et d'agir. Elles échappent aux prévisions de la science positive. Si la race celtique a perdu sa nationalité distincte, l'âme celtique ne continue-t-elle pas à vivre dans la nation française? Et si cette âme est vraiment, comme je le crois, sa conscience profonde et son génie supérieur, ne se pourrait-il qu'elle surprît l'avenir par des renaissances subites, par quelque splendide résurrection, comme elle a surpris le passé dans le cours de l'histoire? À ces questions qu'évoque la légende de Merlin, qu'il me soit permis de répondre par la légende de Taliesin, qui, malgré sa date plus récente, sort des plus vieilles traditions druidiques et renferme, pour qui sait la comprendre, le vrai testament de l'âme celtique, la synthèse de son génie, le mot de sa mission, et cela dans le sens non plus national, mais universel. Après le saint, le barde, après le barde, le mage. Saint Patrice, Merlin l'enchanteur et Taliesin, ce triptyque nous aura fait voir le génie celtique dans ses puissances intimes et sous ses plus grands aspects. Le dernier résumé accomplit les deux autres. La légende de Taliesin est comme une seconde incarnation du personnage historique qui, par sa science et sa sagesse, laissa dans la tradition galloise une trace profonde et lumineuse. Lady Charlotte Guest a recueilli cette légende dans ses Mabinogions ou contes populaires d'après le vieux manuscrit. Pour le personnage historique de Taliesin, voir les bardes bretons de Monsieur de la Ville Marquet. De même que la légende de Merlin revit avec sa couleur sombre et passionnée au cœur de la forêt de Brocéliande, de même celle de Taliesin ressuscite avec sa lumière sereine et voilée dans le nord du pays de Galles, sur ses sommets sauvages de porphyre et de basalte, d'où le regard plonge en d'étroites vallées, en des lacs d'azur dormants, et s'égare vers la mer lointaine. Je me trouvais, il y a quelques années, près du paisible lac de Lindberis. Sa surface était immobile et d'un bleu foncé. Le jeu des rayons et des ombres irisait de teintes opalines les rochers d'en face. Dans une gorge voisine, les pierres détachées du roc par des carriers perdus dans la montagne roulaient de minute en minute dans les profondeurs avec un grand fracas et semblaient tomber d'une cité de dieux en train de s'édifier là-haut sous le marteau d'esprits invisibles. Vêtu de sa robe violette, le Snowdon tantôt montrait sa tête grise, tantôt disparaissait sous un capuchon de nuages. Le mont sacré des bardes, auréolé d'un arc-en-ciel, ressemblait lui-même à un barde géant, assis et pétrifié dans son rêve profond sous la tempête des siècles. J'étais au berceau et dans le cadre de la légende de Taliesin. Plus nettement m'apparurent ces épisodes successifs. Je rappellerai surtout la première et la dernière scène, celle de l'enfant trouvé et puis la transfiguration du barde roi. Cette étrange histoire traduit les plus intimes aspirations et les plus profondes intuitions de l'âme celtique. Dans les temps anciens, le roi Gwydno régnait à Gwynedd, non loin de la baie d'Aberystwyth, au pays de Galles. Il avait un fils nommé Elphin, chétif d'apparence, timide et renfermé de caractère. Ne sachant qu'en faire, son père lui donna une pêcherie à exploiter comme un simple fermier. Quand Elphine s'y rendit pour la première fois, il vit flotter contre l'écluse un objet qui lui sembla une outre. En s'approchant, il aperçut que l'outre était un panier d'osier recouvert de peau. Il pria l'éclusier d'en ôter le couvercle, et voici dans le panier dormait un bel enfant. De quelle rive venue? Qui donc l'avait ainsi exposé sur les flots? Personne ne l'a jamais su. Ainsi l'âme s'endort sur le vaste océan du sommeil et de la mort, pour s'en aller d'un monde à l'autre et s'éveiller on ne sait où. L'enfant ouvrit les yeux et tendit ses petits bras vers son sauveur. Une lumière presque surnaturelle émanait de son regard profond et de son superbe front blanc. « Oh, Taliesin !» s'écria l'éclusier, ce qui veut dire en celtique « quel front rayonnant !»« Qu'il s'appelle donc Taliesin, front de lumière !» répondit Elphine. « Ce fils de roi restera toujours malheureux, » dit l'éclusier. « La malchance plane sur lui. Là où d'autres auraient pêché 200 saumons, il n'a pêché qu'un enfant trouvé. » Cependant, Elphine prit l'enfant dans ses bras, monta à cheval et le mit au pas pour ne pas secouer son cher fardeau. Jamais il n'avait éprouvé un pareil bonheur, jamais il n'avait aimé un être humain comme cet enfant dont le regard pénétrant le sondait et semblait lire dans toutes ses pensées. Ce regard disait « Mon Elphine, ne sois plus triste, personne ne te connaît, mais moi je te connais depuis longtemps et je te consolerai. » Des mers et des montagnes et des rivières profondes, Dieu apporte la santé aux hommes fortunés. Quoique je sois petit, je suis hautement doté. Sois béni pour ton bon cœur. Le bonheur te viendra par moi, car je t'apporte dans mes yeux les merveilles d'un monde lointain. Elphine confia l'enfant à ses amis les bardes pour qu'il devînt barde à son tour. À peine sut-il parler que Taliesin étonna ses maîtres par son intelligence. Il paraissait savoir tout ce qu'on lui enseignait et bien plus encore. Rien dans la science de la nature et dans la science des événements humains ne l'étonnait parce qu'il avait en lui la conscience innée des choses éternelles. Ce qui change toujours ne s'explique que par ce qui ne change jamais. À 15 ans, la sagesse druidique et chrétienne coulait de ses lèvres. À 20 ans, Taliesin était devenu le maître de ses instructeurs. Il lisait dans le passé et prédisait l'avenir. Un soir, le prince héritier et son barde étaient assis ensemble sur une montagne. Les vagues invisibles qui se brisaient à leurs pieds faisaient dans le vent une faible musique entrecoupée de soupirs. Elphine, plus triste que d'habitude, dit à Taliesin après un long silence « Pourquoi suis-je seul et misérable, quoique fils d'un roi puissant? Pourquoi ne puis-je trouver de joie et de consolation qu'auprès de toi ?» Taliesin se leva et montrant du doigt le ciel où tremblaient quelques étoiles. « Tu ne sais pas qui je suis, tu ne sais pas d'où je viens, mais je viens de très loin. Un jour tu le sauras. Alors pourquoi es-tu venu ? Mon doux maître, je suis venu sur la terre pour t'enseigner la consolation. Comment me l'enseigneras-tu ? Je te ferai trouver ta propre âme. Comment la trouverai-je ? Par l'amour. Oh, Elphine, je sais ce qui a été et ce qui doit advenir. Par la mer, je suis venu. Par la montagne, je m'en irai. » Et les yeux du barde adolescent brillaient d'un tel éclat dans le crépuscule qu'Elphine l'écoutait plein d'admiration. À quelque temps de là, Elphinema épousa Faelmona, fille du roi de Gwalior. Le cœur de la jeune femme était capricieux et changeant comme la mer. Elphine adorait sa femme, mais comme il était gauche, qu'il manquait d'éloquence et de beauté, le cœur de Faelmona restait indifférent à ce grand amour. Cependant, Taliesin connaissait l'âme de son maître. Il devinait celle de la jeune femme. Il excitait celle-là à l'espérance, celle-ci à la tendresse par le son de sa harpe et le charme de sa voix. Il lui disait « Oh, Faelmona, tu te crois savante parce que ton esprit est prompt, mais tu ne sais rien. Toute puissante parce que tu es belle, mais tu ne possèdes qu'un faible pouvoir. Depuis qu'il t'a vue, l'âme d'Elphine s'en est allée en tourbillonnant, et ce fils de roi paraît un pauvre esclave. Pour tout, sa tristesse est plus puissante que ta joie. Et il y a en lui une force qui te vaincra, car l'amour seul est roi. » Faël Mona répondit d'un ton railleur et enjoué. « Pour me vaincre, au moins devrait-il être aussi éloquent que son barde. »« Il le sera, » répliqua Taliesin. Bientôt après, Elphine se trouvait loin de sa femme, à la cour de Maelgun, où son père l'avait envoyée. Le roi Maelgun était orgueilleux, tyrannique et hautain. Un jour, devant toute la cour, il se mit à vanter la reine, son épouse, affirmant qu'il n'y avait point au monde de femme qui eût autant de beauté, de grâce et de vertu. Elphine se leva et dit « Un roi ne devrait lutter qu'avec un roi, mais j'affirme que pour ces trois choses, ma femme Faël Mona est au moins l'égale de la reine. Vous pouvez en faire l'épreuve. » Irrité de ce défi audacieux, Maelgun fit jeter Elphine en prison et ordonna à son fils Matolvik de se rendre auprès de Faël Mona pour tenter de la séduire. Quand le fils de Maelgun vint la trouver, Faël Mona, exaspérée par sa longue solitude, se rongeait d'ennui et de mauvaises pensées. Elle reçut avec de grands signes de joie le prétendu messager de son époux et le fit asseoir à côté d'elle. Cependant, quand Matolvik, dans un discours tortueux, tissé de mensonges et de flatteries, conta qu'Elphine était devenue infidèle à sa femme et qu'il la répudiait pour épouser la propre sœur de Matolvik, Faël Mona devint pâle de colère et s'écria toute frémissante. « Je savais qu'il était faible et lâche. Pourquoi l'ai-je épousé ?» À ce moment, la harpe que Taliesin avait suspendue dans la chambre pour veiller sur la femme de son maître poussa un long gémissement. Une corde haute se rompit et dans le cri de la corde, la femme Delphine entendit deux fois son propre nom, Faël Mona, comme si son bien-aimé l'appelait d'un cri de détresse. Elle en eut une telle douleur et un tel effroi qu'elle perdit connaissance. Matolvik profita de son évanouissement pour couper une longue boucle de ses cheveux bruns et s'enfuit. Quand Faël Mona reprit ses sens, Taliesin était devant elle. « Pourquoi, dit le jeune barde, as-tu cru ce menteur? Pourquoi as-tu trahi l'âme royale d'Elphine, mon maître? Personne n'est plus doux, plus grand, plus fort que lui. Tu n'as pas connu son cœur, parce qu'il est silencieux et ne sait qu'aimer. Elphine, en ce moment, est en prison pour toi. Elphine va périr pour ton honneur. Prouve-moi donc qu'il ne m'a pas répudié comme un lâche, dit Faël Mona, affolée et partagée entre deux sentiments contraires. « Viens avec moi, dit Taliesin, et tu verras, le temps presse. » Ils montèrent sur deux chevaux et partirent au galop. Le château du roi Maelgun était situé comme au fond d'un précipice, dans une vallée étroite, environnée de montagnes hautes et sauvages. Au moment où Taliesin et la princesse entraient dans la salle, le roi siégeait sur son trône entouré de ses bardes et de ses chevaliers. Justement, on amenait Elphine chargée de chaînes, et Matolvik lui montrait la boucle de cheveux de Faël Mona en accusant celle-ci d'infidélité. « Par Dieu, tu mens !» dit Elphine. « Tu l'as volée par traîtrise. Je sais que l'âme de Faël Mona est aussi pure que la lumière du ciel. Qu'on m'ôte ses chaînes, qu'on me rende mon épée, et je te le prouverai par les armes. » En parlant ainsi, Elphine était devenue beau comme le jour. Ses yeux luisaient comme des torches. Il parut à Faël Mona qu'elle le voyait pour la première fois. Son cœur battait à tout rompre. Elle voulut s'élancer du coin obscur où il se tenait caché. Taliesin la retint. Elphine tua Matolvik dans le combat. Hors de lui, le roi Maelgun cria à ses hommes de saisir le vainqueur et de lui trancher la tête. Alors Taliesin s'avança. « Tu ne tueras pas mon maître. Ton fils est mort justement pour avoir calomnié cette femme. La boucle a été dérobée à son sommeil. Cette femme est fidèle et sans tache. J'en suis témoin. » Faël Mona se jeta aux pieds d'Elphine en s'écriant « Je ne te connaissais pas, mais Taliesin m'a montré qui tu étais. Il a réveillé mon âme par la douleur. Il m'a mené ici et je t'ai vue dans toute ta beauté. Maintenant que le roi tranche ma tête, car j'avais douté de toi. De mon sang rouge, mon âme sortira blanche comme une colombe, car maintenant je t'aime. Alors gloire à Taliesin, dit Elphine, il m'avait promis qu'un jour tu m'aimerais. » Maelgun voulut faire saisir le couple triomphant, mais une trombe furieuse s'engouffra dans la salle. On crut que le château allait crouler et tout le monde resta cloué sur place. « Parce que tu n'as cru qu'à la force et au mensonge, » dit Aliésin, « rien ne survivra de ton château et de ta race, que ma harpe. » Et il jeta sa harpe au milieu de la salle. Ils restèrent tous atterrés, car la tempête augmentait et mugissait comme une cataracte. Et Taliesin sortit, suivi du couple fortuné qui, dans l'éblouissement d'un revoir plus merveilleux qu'une première rencontre, n'avait rien entendu de la tempête. Cependant, comme ils gravissaient la montagne, le vent et la pluie cessèrent. La pleine lune, sortant derrière deux cimes pointues, vint planer au zénith et versa sur les amants sa silencieuse incantation. Ils montaient, attirés par sa lumière, dans la magie d'une nuit de printemps, et se regardaient comme transfigurés. Leurs yeux s'étaient agrandis, leurs âmes, devenues transparentes sur leurs visages, se pénétraient et s'enivraient l'une l'autre. « Sens-tu, disait-il, sens-tu, ô Faelmona, les parfums de la lande ? Ce sont les effluves de ton amour qui m'enveloppent. « Regarde, disait-elle, ô Elphine, regarde l'astre d'argent qui m'attire à lui. C'est ton regard qui boit mon âme. » Chaque parole était une caresse, chaque regard une pensée, chaque baiser une longue musique. Ils montaient comme s'ils avaient des ailes, ils montaient comme portés par le vent, mais ils ne pouvaient atteindre Taliesin au front radieux qui marchait en avant et dont la taille paraissait grandir à mesure qu'ils montaient. Quand ils furent parvenus à mi-côte, ils lui crièrent « Arrête, Taliesin, nous ne pouvons te suivre. Arrête, barde merveilleux qui nous a fait renaître et reçois l'encens du bonheur qui est ton œuvre. » Taliesin se retourna. Sa haute figure sortait à distance d'une mer de fougères éclairée par la lune. Les deux amants restèrent stupéfaits, car à la place du jeune barde gallois, ils virent un homme majestueux, en longue robe de lin, la tête protégée d'une coiffe blanche qui retombait sur ses épaules, le front ceint d'un serpent d'or comme un prêtre d'Égypte, et tenant à la main le sceptre d'Hermès, le caducée. Il dit simplement « Suivez-moi » et continua sa route. Un peu plus loin, les deux époux hors d'haleine crièrent de nouveau « Taliesin, où veux-tu nous conduire ?» Le guide mystérieux, debout sur un rocher, se retourna. Il avait pris l'aspect d'un prophète hébreu. Deux légers rayons sortaient de son front. Il leva la main et dit « Suivez-moi jusqu'au sommet. » Quand ils furent sur la cime, le barde prophète leur apparut sous les traits d'un druide centenaire. Son front chauve était couronné de lierre et de verveine. Ses rares touffes de cheveux flottaient au vent. Il était plus vieux que les vieux chênes. Saisis de respect et de crainte, Elphine et Faelmona tombèrent à genoux devant lui et dirent « Ô maître notre guide, qui donc es-tu, esprit mystérieux ? Et que veux-tu de nous ?» Taliesin leur répondit « Vous ne pouviez savoir mes noms anciens ni mon origine, mais vous m'avez aimé, vous m'avez suivi, ce qui est la vraie connaissance. Maintenant, avant de vous quitter, je vous dirai qui je suis. Je suis un messager de la sagesse divine qui se cache sous de nombreux voiles dans le tumulte des nations. D'âge en âge, nous renaissons et nous redisons l'antique vérité avec un verbe nouveau. Rarement on nous devine, plus rarement on nous honore, mais nous faisons notre œuvre. Toutes les sciences du monde sont rassemblées dans la sagesse dont nous portons les rayons. Je sais par la méditation que je suis né plus d'une fois. J'ai été du temps d'Enoch et d'Élie, j'ai été du temps du Christ, et j'ai reçu mes ailes du génie de la croix splendide. La dernière fois que j'ai paru sur la terre, je fus le dernier des druides, le barde roi, le grand Taliesin. Cette fois, je n'ai fait qu'y passer pour vous donner mes enseignements et vous révéler l'un à l'autre, ô Elphine et Faelmona. Alors, qui donc es-tu, toi, qui d'âge en âge change de verbe et de figure ? Je suis un mage. Qu'est-ce qu'un mage ? Celui qui possède le savoir, le vouloir et le pouvoir. Par ces trois forces réunies, il commande aux éléments, il fait plus encore, il maîtrise les âmes. Mais beaucoup se sont donnés pour mages et se donneront pour tels qui ne le sont pas. À quel signe les vrais mages se reconnaissent-ils ? Le vrai mage n'est ni celui qui change le plomb en or, qui appelle l'orage ou qui évoque les esprits, car toutes ces choses peuvent se tramer par feintises et mirages, et l'enfer les imite. Le vrai mage est celui qui a le don de voir les âmes cachées dans les corps et de les faire éclore. Les faire éclore, c'est les recréer. Les recréer, c'est les rendre à elles-mêmes, à leur essence primitive, à leur génie divin, comme disaient nos aïeux les druides. Le vrai mage est celui qui sait aimer les âmes pour elles-mêmes et rassembler celles qui sont destinées l'une à l'autre par une chaîne de diamants, par cet amour qui est plus fort que la mort. C'est ce que j'ai fait pour vous. Et maintenant, adieu. Tu veux nous quitter? Il le faut. Par la mer, je suis venu. Par la montagne, je m'en irai. Ma patrie est où sont les étoiles d'été. Mais je vous laisse un souvenir. Regardez derrière vous. Elphine et Faelmona regardèrent dans l'abîme vaporeux et eurent un nouvel étonnement plus grand que tous les autres. La vallée d'où ils sortaient était comblée tout entière par les eaux. À la place du château de Maelgun, baignant la montagne à mi-côte, s'étendait un lac profond et immobile. À sa surface, comme une aile tombée des épaules d'un ange, nageait une harpe d'argent. Les cordes rayaient l'eau noire de fils lumineux, et dans le ciel, une étoile brillante, comme un aimant de lumière, semblait attirer la harpe par ses fulgurations magiques. « Vois-tu, c'est la harpe de Taliesin !» s'écrièrent les deux amants penchés sur le gouffre. Une voix dit derrière eux, « Elle est à vous, sauvez-la » Ils se retournèrent, cherchant le maître. Mais Taliesin avait disparu. La cime était déserte, et les amants restèrent seuls sous le ciel étoilé. Avec sa conscience profonde et son verbe universel, la grande figure de Taliesin plane au-dessus des temps, dans une région inaccessible, et regarde l'avenir autant que le passé. Son œil embrasse, dans une vision magnifique, la synthèse harmonieuse de la science antique et de la spiritualité chrétienne par le génie de l'intuition et de l'amour. En lui se manifeste la réserve ésotérique des Kimris vis-à-vis des races sœurs ou parentes. Car les Kimris ont gardé les purs arcanes, la quintessence de la poésie et de la religion des Celtes. Plus mystique que rationnel, plus enthousiaste qu'habile, plus intuitif qu'artiste, plus musicien que peintre, plus poète que philosophe, le génie celtique est un grand voyant de l'âme et de ses mystères. C'est un prophète et non un conquérant. Et voilà pourquoi il a eu la destinée tragique de tous les prophètes, qui est d'être honni et persécuté par ceux auxquels il dit la vérité, qu'ils en profitent ou non. Opprimé par la dureté latine, accablé par l'énergie saxonne, méprisé par la solidité franque, raillé par la légèreté gauloise, le génie celtique n'en reparaît pas moins de siècle en siècle, doux et indomptable, visionnaire, sublime et déguenillé, toujours ressuscitant de ses retraites inconnues, toujours affirmant sa soif d'infini et d'au-delà, sa foi en l'idéal sanctionné par un monde divin, portant ce témoignage dans ses plus noires tristesses, dans ses plus sombres défaites comme dans ses désespérances les plus amères. Voilà sa malédiction et sa gloire. Selon une vieille coutume celtique consignée dans le code d'Oël, il y avait trois choses sacrées qu'on ne pouvait saisir chez un homme libre: le livre, la harpe et l'épée. Or, que représente le livre dans la symbolique des bardes et des initiés antiques? C'est la tradition profane et sacrée avec tous ses mystères. C'est la science intégrale. Qu'est-ce que la harpe? C'est le verbe vivant de l'âme, la parole sous toutes ses formes qui traduit les mystères du livre. C'est la musique et la poésie, c'est l'art divin. Et qu'est-ce que l'épée? Peu importe qu'elle se nomme Vercingétorix, Arthur ou Jeanne d'Arc, trouvée par le héros, consacrée par le chevalier ou transfigurée par la vierge héroïne et voyante, c'est toujours la volonté active, le courage viril et la force de la justice qui mettent en œuvre les vérités du livre et les inspirations de la harpe. mais pour les diriger et les féconder tous trois, ne faut-il pas l'étoile de la foi ou la connaissance des choses de l'âme et des principes de l'esprit ? C'est la foi de l'âme, c'est la science supérieure, c'est la divine espérance qui manque à notre génération et que ses guides intellectuels ont négligé de lui enseigner, faute d'y croire eux-mêmes. Les prophètes de la matière et les grands prêtres du néant ne nous ont pas manqué. Nous aurions besoin des taliésines qui réveillent l'âme en ses énergies profondes, qui l'épanouissent dans toute sa fleur, non des sceptiques ou des négateurs qui l'endorment, la dissolvent et la tuent. Car quand l'étoile de la connaissance s'allume dans le ciel de l'humanité, alors seulement la harpe merveilleuse de l'art divin émerge du lac magique de la vie, que celle la pâlisse et la harpe s'engloutit avec le livre et avec l'épée.